panneau annonce la fin d'une route pour automobile. Ne pas confondre ce signal avec celui de la fin d'une autoroute qui se présente ainsi. Je serai vigilant, puisqu'à partir de ce signal et en l'absence de toute autre indication, la route sera accessible à toutes les catégories d'usagers. Réponse A.